to Overdrive on Radio Dio. Yes, salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio avec en ouverture le groupe Winery Dogs, Winery Dogs qu'on a vu avec son premier album Desire, un superbe album dans lequel on avait vraiment un super groupe qui nous définissait toutes ses capacités. Bien entendu, on rappelle Richie Kotzen à la guitare et au chant, Billy Sheehan à la basse, Mike Portnoy à la batterie. Nous sortent dans quelques mois leur nouvel et troisième album. J'ai hâte, les amis. Night Demon, ce soir dans Overdrive. Le groupe américain de la New Wave of British Heavy Metal, ou alors de Return to True Heavy Metal, appelez ça comme vous voulez, en tout cas du Heavy Metal classique en trio. Ils nous reviennent avec un nouvel album sur Century Media, ça s'appelle Outsider. Outsider, it's all the time, it's the path you run. Yes, yes, ce soir dans Overdrive, on devrait avoir une belle petite leçon de progressif avec pas mal de, justement, très bonnes sorties avec Clone, Haken et autres Riverside. Néanmoins, j'ai décidé de passer le dernier album live de Transatlantique enregistré à Paris. On en avait déjà passé un extrait semaine dernière. C'était tellement bon, tellement bon, tellement bon qu'on va en repasser un petit extrait et on va souhaiter une bonne soirée à tous les amateurs de rock et de métal progressif. Il y en a à Radio Bio. Rien qu'à voir Divinéo, une émission qui est là depuis maintenant de nombreuses années. Transatlantique sur son album live enregistré à Paris en 2022, ce sera Rose Colored Glasses qu'on envoie tout de suite dans Overdrive, avec là aussi un super groupe dans lequel on retrouve Mike Portnoy, ancien Dream Theater, à la batterie. Il est tellement de projets et de groupes différents que c'est difficile à suivre parfois. Néanmoins, le plus important, c'est que la qualité reste au rendez-vous, comme sur ce dernier album de Transatlantique qu'on écoute tout de suite. Gone back home, the man. Je l'ai dit ce soir dans Overdrive, ce sera du prog qui est à l'honneur. Après Transatlantique, après Winery Dogs, ce sera au tour des Australiens de Carnivool. Ils n'ont rien fait en 10 ans. Néanmoins, ils ont des concerts prévus et ça, ça se fête. Un des groupes les plus plébiscités dans la scène prog de ces 10 dernières années. Ils ont, malgré leur peu de sorties, ils n'ont rien sorti depuis 2013, ils ont gardé une fanbase très conséquente avec des albums comme Sound Awake ou alors Asymmetry, un excellent morceau. Donc on va écouter ça en espérant que le nouvel album du groupe Carnivool revienne très bientôt. Extrait de ce troisième album, dernier en date, double CD, sur lequel on retrouve un live et puis un album complet studio. Ce sera le morceau We Are par Carnivool. Lost more than our trust, and now there's nothing left. to stand and witness these words of wisdom come with like a vision. This is the first day I've ever had to stand and witness these words of wisdom come with like a vision. This is the first day I've ever had to stand and witness. Yes, Carnival, super, vraiment super cool sur Overdrive Radio Duo. Il est 22h pile, hein, vous écoutez toujours Overdrive pour de la musique qui pulse, mais de manière asymétrique maintenant, avec Carnival et autres transatlantiques du progressif. Le progressif, je l'ai dit, est à l'honneur ce soir dans Overdrive. Et il est temps de passer au groupe Aken qui nous sort son dernier album au mois de mars, et ils passeront du côté du Transborder en compagnie de du Buried, The Buried and Me. De quoi passer une excellente soirée. Donc un groupe anglais de progressif, là aussi on s'envoie ça avec le morceau Taurus par Aken. Oh, Yes, vous venez d'entendre Sleeping Romance dans Overdrive Radio 2, 22h passées de 10 minutes avec We All Are Shadows et le morceau SAM pour Smoke and Mirrors. Overdrive, maintenant, on continue l'épopée progressive du moment avec Riverside, maintenant des Polonais, qui nous sortent là aussi leur dernière livraison. Self-aware et la qualité ne baisse pas. Toujours sur Overdrive, de l'excellente musique. Riverside tout de suite avec Self Aware pour là aussi cette jolie démonstration de musique progressive dans Overdrive. Maintenant on retrouve le groupe Neat pour cette formation de Toulouse inspirée par la scène New Metal, donc Korn en tête avec bien sûr des griffes groovy, une basse ronflante et puis bien entendu des guitares accordées. Très bon. Néanmoins, il n'oublie pas également les références un peu différentes, un peu plus modernes, comme Meshuga ou autre Devin Townsend. Et tout ceci est doté d'une excellente production et a été publicité par le magazine Rockhard, puisque l'un des chroniqueurs a décidé de faire de cet album son album du mois. Voilà qui devrait faire plaisir à ces Toulousains qu'on écoute tout de suite avec le morceau. Ah, et vous écoutez toujours Overdrive, 22h passées de presque 20 minutes maintenant. Listening, floating, watching inside. Yes, vous venez d'entendre Neat pour cet album français, autoproduit, super bien fait. Pour tous les amateurs, ben, de pas mal de choses différentes. On ressent bien sûr les influences de Korn et de System of a Down, mais ça va un peu plus loin que ça. Voilà, on va littéralement changer d'influence et de style avec Twilight Force pour du pur power metal sorti sur Nuclear Blast avec The Heart of Winter Vale. Tout de suite, vous écoutez toujours Overdrive, il est 22h passé de 22 minutes. le groupe Twilight Force at the Heart of the Winter Veil. Vous écoutez toujours Overdrive. Il est maintenant passé, bientôt passé de 30 minutes et il est temps pour nous de jouer Swanson pour un groupe d'influence. Un groupe d'influence, on va dire, de la scène djent très moderne. Donc une très bonne production qui se veut moderne et qui va un peu plus loin que le métal. Beaucoup de choses dans ce style, comme vous l'entendrez, sont basées sur la production plus que la composition pure. Néanmoins, la blague marche encore une fois très bien ici. Suasion avec The Infinite. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. Ça reste malgré tout très efficace. Suasion avec The Infinite. C'était dans Overdrive Radio Duo. 22h passées de 30 minutes. On va passer à ce groupe Jotun qui était sorti peut-être au mauvais moment pour ce premier album 2021. Bien entendu, les confinements était encore là. Et il s'agit d'un très bon disque pochette réalisé par l'artiste vraiment qui a le vent en poupe, Eliran Cantor, et puis Frédéric Nordstrom à la production pour du metal, death metal mélodique, long morceau, voix à la fois claire et criée également. Ce sera Jotun tout de suite avec Liam Scolden. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. Engaging, infinite window. extrait de l'album Phoenix, maintenant ce sera Dark Princess. Yeah. Yes, vous venez d'entendre cet album Wizenville, sorti sur Les Acteurs de l'Ombre. Les Acteurs de l'Ombre production Thinking, tout de suite avec Specular Gaze. On va continuer avec Divisor qui nous sort cet album Evil Summons Evil, un peu moins dans l'atmosphère, plus dans on va dire le côté direct et trashy. Ce sera Divisor, sorti sur Non-Servient Records. On va se quitter au son de Borknagar maintenant et de son dernier album True North, un disque vraiment pour l'occasion. Donc on va pour le temps qu'il fait, True North, pour ce froid glacial qu'on connaît en ce moment du côté de Saint-Etienne. Il est 22h passées de 55 minutes. On va se quitter au son de True North et de ce Wild Father's Heart pour l'un des meilleurs groupes norvégiens de ça. Génération, rappelle Laura, le www.radiodio.org pour te retrouver toutes les nouvelles concernant la radio en général et le www.facebook.com/overdrive-radiodio pour retrouver toutes les informations concernant l'émission en particulier et notamment les podcasts. Si vous avez aimé la référence d'un morceau que vous voudriez réentendre. Voilà, il est temps de tirer ma révérence. Je vous souhaite un bon week-end. Ciao, bye bye. In water, calling him, to climb the peaks, to reach the sun, to rise above, to climb the peaks, to reach the sun, to rise above. Father's heart.